aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans salle 5 et aujourd'hui, pour la dernière fois de l'année, la team est presque au complet parce qu'Ev n'a pas pu être là, mais on pense très fort à elle et elle sera là par la pensée et elle nous a donné... Par la force. Par la force, exactement. Les circonstances. Elle sera là quand même, vous allez voir ça très vite, mais vous venez d'entendre sa voix, je suis avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Jade. Comment ça va? Ça va bien. Et je suis aussi avec Amaury. Bonjour Amaury, comment tu Salut. Vas? Salut, la force est avec moi. Oh. Je me demande quel film tu viens d'aller voir. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait quand même un petit peu plus d'un an qu'on fait cette émission et qu'on a toujours qu'une vingtaine d'auditeurs. Mais on continue parce qu'on aime ça. Votre année 2019 en trois mots. Oula. Bah, déjà c'est un mot ça. Oula. Oula. Moi, ça résume bien je trouve. Ça résume bien cette année. Pourquoi un mot? Pourquoi pas? Pourquoi trois mots? Alors moi, un des trois mots pour moi, ce sera Cannes, parce qu'il y a énormément de films de Cannes que j'ai adoré cette année, même si je suis pas allé. Mais je trouve que ça a été vraiment une super sélection et que ça se retrouve un peu dans le top. C'est vrai, c'est très exact. Je dirais Clown, parce qu'ils ont pas arrêté de nous faire chier au cinéma cette année. On vivrait pas trop dans une société d'ailleurs. Bah ouais. Ah, c'est on va fou, en reparler. On va en reparler parce qu'on ne peut plus rien dire d'ailleurs. Et moi, oula, je trouve que ça résume très bien mon année. Genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était une très bonne année pleine de challenges, je trouve, dans le cinéma et dans la société. J'espère que chez vous, vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, vous avez dû le comprendre, on revient sur le meilleur et sur le pire de l'année 2019 selon nous et un peu de ce qu'on attend de 2020. Alors, on a fait ça un travail d'équipe phénoménal parce que c'est d'après une idée d'Amaury, d'une exécution de Victor et c'est moi qui vous l'énonce. On a fait un petit top global de nos tops à nous quatre, donc à Amaury, Victor, Eve et moi-même. Et on va commencer avec le numéro 10 tout de suite. Le numéro 10 de notre top de l'année qui est Booksmart de Olivia Wilde, sorti sur Netflix. Il n'est pas sorti en salle en France, il me semble. Non, ailleurs aussi. Oui, mais pas en France. Malheureusement. Malheureusement, parce que. Chef-d'œuvre de mon cœur, honnêtement. Vous. Bah vous l'avez mis dans votre top, forcément. Non, je l'ai pas mis. Moi, dans je l'ai pas mis dans mon top. Il y a que moi qui l'ai mis. Oui. Il y a que moi qui l'ai mis. Bah, bon. C'est quand même numéro 10. Allez. Mais à jamais dans mon cœur, quand même. Oui, c'est vraiment la grande comédie américaine dans la lignée de Super Grave, dont le film est un hommage. En fait, c'est quasiment le même scénario, mais déplacé du côté féminin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que. On a un point de vue non seulement féminin, mais avec des émois lesbiens, par exemple, qu'on retrouve là, traités d'une manière potache. Avec autant de drôlerie qu'a pu l'être Super Grave. Et je trouve le duo d'actrices génial. Et la scène dans la voiture avec le directeur et le porno lesbien qui passe sur qui les grosses enceintes. Sur le Bluetooth, Et le directeur scène. Pense que c'est une chanson de Cardi B. Alors, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait rire de l'année. Ah ouais, j'adorais ce moment. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Super Grave parce qu'il me semble que Bini Felchitin, c'est la sœur de cette roue. C'est la sœur de Jonah Hill. De Jonah Hill, pardon. De Jonah Hill. Et ce qui est vachement cool, c'est que cette actrice, son. Je l'adore. On l'adore tous et on l'a déjà vu dans d'autres rôles. C'est la meilleure pote de Lady Bird aussi. Elle joue dans la série en ce moment tirée de What We Do in the Shadows. Ouais. Elle joue dedans. Et elle est jouée aussi dans le très chouette et qui un peu une sorte de, qui, je trouve, parle de un peu la déclinaison des films de campus. Mais sauf qu'au lieu de parler des... Des sororités, des fraternités. Au lieu de parler des fraternités, ça parle des sororités, c'est dans Nos Pires Voisins 2. Dans Nos Pires Voisins. Ouais. Et Seth Rogen, encore une fois. Voilà. Et c'est le premier film où je l'ai vu dedans. Et je me disais, mais elle est super drôle et tout. Je l'aime tellement. Et elle va jouer dans un film qui s'appelle How to Build a Girl, je pense. Oui. Mais je sais pas du tout s'il va sortir en France et ça a l'air vachement cool. Et c'est elle qui va jouer Monica Lewinsky dans la série American Crime Story de Ryan Murphy. Oui, exact. Et moi, je trouve ça cool, c'est que ce film, vraiment, enfin Booksmart, la met vraiment au sommet avec Kate. Là, je vais pas le prononcer son mot. Kathleen Dever, c'est ça? Oui, à peu près. Oui. Et je trouve vraiment que c'est deux films qui c'est un film qui est vraiment porté par ces deux héroïnes. Elles ont toutes un talent comique qui m'ont fait mourir de rire. Et moi, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est un peu ce que Olivia Wilde elle appelait la politique du no hassle. C'est-à-dire que tous les personnages en fait dans ce film au final, ils sont tous bienveillants d'une manière ou d'une autre. Tous les personnages secondaires, ils sont trop cool. Et dans le lycée, même s'il y a un peu des classes comme dans tous les lycées, tu sais, avec les populaires, les gens qui font du théâtre, nanana et tout, ils peuvent paraître un peu connards l'un envers l'autre au début, mais au final, non. Au final, on est tous dans le même bateau, tu vois. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Surtout qu'elles ont aussi leurs défauts. Voilà. Ouais. Elles jugent aussi les gens, tu vois, au début et tout. Et c'est pour ça que j'aime trop ce film, parce qu'en fait c'est super réaliste. Après, on n'a pas grandi dans un lycée américain, donc. Les lycées de Tourcoing et Marc en Barol, c'était pareil. Hein. Ah bah, c'est un peu du pareil, ouais. Mais on peut même comme ça, on peut facilement s'identifier et reconnaître des trucs qui sont assez universels. Et c'est en ça que je trouve ça très cool. N'en déplaise au ouin-ouin. est-ce que vous, il vous reste un truc à dire sur Booksmart? À la scène de la piscine extraordinaire, ouais. Quand piscine, elle se rend toujours, compte que son oui. crush est inaccessible et qu'elle va se noyer quasiment dans la piscine, c'est magnifique de mélancolie. On la a tous vécu un truc comme tu ça. Tu adores donc, les scènes de piscine. Donc, voilà. En plus, j'adore les piscines. Fan de piscine. La scène où elle s'imagine, Benny Felsine s'imagine en numéro musical qui sort de nulle part. Je pensais que tu allais parler de la scène des poupées. Il y a tellement de oui, scènes. Oui, la scène trop des bien, poupées, elle est trop bien. Dans ce film, en fait, il aurait dû être numéro. Non, peut-être pas numéro 1, mais il aurait dû être plus haut dans ce top. Numéro 9, Une vie cachée de Terrence Malick. Que je n'ai pas vu, alors je vous laisse le dance floor. Allez-y, je vous en prie. Ben oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est un très grand film. Non, mais voilà, c'est du grand Terrence Malick qui a fini d'expérimenter son cinéma et qui revient à une forme plus classique et qui nous parle d'une grande histoire vraie, d'un grand destin, d'un Autrichien qui a refusé de se plier au régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre son combat et son chemin de croix contre les autorités nazies. Et on va voir quoi? On va voir un amour incroyable et le combat d'un couple pour leurs convictions et pour l'humanité face à la haine. Et ça, c'est vraiment un très beau film qui parle de plein de grands sujets philosophiques, la liberté... le choix et qui place aussi un regard vraiment intéressant sur l'histoire en parallèle avec notre actualité. Un peu comme dans tous les Terrence Malick, non? Enfin, je ne sais pas tous vus, ça parle souvent beaucoup ça de rejoint, choix, de religion, avec une importance de l'innocence de la nature face à la violence des hommes entre eux. Et ça s'inscrit dans les mêmes thématiques que La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde, par exemple. Et est-ce que, tout, comme dans tous les Terrence Malick, c'est une voix off? Ah oui, il y a énormément d'introspection, de voix off. Tout ce que j'aime. Victor, un truc à dire comment sur passer, comment passer après tant de beaux mots par ce cher Amaury. Quand on a enregistré l'épisode de Noël, je suis allé le revoir juste après. Et, c'est très festif comme film. dans l'esprit de Noël, la joie, la bonne La religion. On y est. Et non, je suis toujours époustouflé par ce film. Enfin, c'est d'un roman. Il faut aussi dire que c'est d'un romantisme assez hors du commun. Enfin, c'est deux. Enfin, joué par les géniaux Auguste Dill et Valérie Pechner. Quel couple, voilà. Ils sont si beaux à l'écran, c'est incroyable. T'as envie de les voir. Donc, du coup, t'as encore le cœur plus brisé à la fin. Quand ils sont séparés, les pauvres, et que t'as envie qu'ils reviennent jouer avec leurs enfants sur les champs, et voilà. Oh, et on a pleuré comme des madeleines, hein, voilà. Ça c'est sûr. J'ai cru comprendre. Et donner un Oscar à Valérie Perchner, qui joue du coup la femme du prêtre, et du paysan. Du paysan, de Franz, de conscience. Franz Jägerstätter. Et elle est exceptionnelle, je trouve, dans ce rôle. Elle travaille la terre, elle fait des efforts incroyables, elle aime avec passion, et je la trouve vraiment bouleversante. Et la dernière scène où ils se retrouvent, où ils apprennent qu'ils doivent se séparer à jamais, c'est waouh, ça m'a arraché le cœur. Eh ben, ça a l'air très bien. Peut-être que je le regarderai, même si j'ai un peu de mal avec Terrence Malick, parce que j'ai du mal avec les voix off en général, même si je trouve ça vachement beau visuellement. Bah, personne n'écrit les Tree voix off life, comme Malick. Oui, mais j'ai du mal avec les voix off de on m'explique ce que je vois, ça me saoule. Voilà, numéro 9 dans le top de la salle 5. Numéro 8, Ex-Aequo, deux films, dont un dont on a déjà parlé dans une ancienne émission, Mid-90s de Jonah Hill. On revient à ce cher Jonah. Et Douleur et gloire de Pedro Almodovar avec le papa de Spy Kids dedans. Mid-90s, c'était très bien, du skate. Moi j'avais un peu. Si je me souviens bien, Victor aussi, t'avais un peu moins aimé que ouais. Amoury comme moi. Mais c'était quand même vachement cool. BO de Trent Reznor et Atticus Ross, qui d'ailleurs font la BO de Watchmen. La fin de Watchmen était incroyable. Regardez Watchmen si vous n'avez toujours pas regardé. Voilà, fin de la dégression. Mais oui, c'était très bien, c'était très joli, bah c'était oui. sympa. Très clairement, il est là parce qu'il était très haut dans mon top personnel. J'étais un peu seul à le défendre vraiment avec passion au tout début de l'année. Et je l'ai revu récemment et je trouve que c'est toujours un beau film sur l'adolescence, sur l'urgence de grandir, sur les choix qu'on fait à cet âge-là, les codes sociaux, et c'est un bonheur. Voilà, Jonah Hill, on t'aime toujours autant. Ah oui, Jonah Hill. Hâte qu'il réalise un film, Jonah Hill qui va être dans Batman, il me semble, non. Si je dis pas de conneries. Ah non, c'est vrai, il est plus c'est dedans, vrai, je non, sais plus. Parce je... que je crois tellement que d'annonces de casting contrat. Que j'oublie tout ce qui se passe. Mid-90s, un truc à dire, Victor, dessus? Douleur et gloire, voilà. Donc. Non, alors, Mid-90s, oui, j'aimerais bien le revoir en fait, parce que j'ai un peu l'impression d'être passé à côté. En fait, c'est vraiment le genre de film où je suis passé à côté au moment de l'avoir vu. Mais il y a quelques scènes qui me sont restées en tête quand même. Il y a un petit truc quand même qui m'est resté au fil des jours et que je trouve vraiment touchant. C'est vrai que j'y repensais après et tout. Ce côté très... ça fait mal en fait de grandir. Et ouais. Qu'est-ce qu'il a mal ce gamin physiquement et mentalement. Il a un côté maso autodestructeur qui est vraiment intéressant. Le truc du skateboard là... Il est prêt à se suicider devant ses potes pour montrer qu'il est fort. C'est assez fou. Ouais. Douleur et gloire. Ah, bah alors je ne l'ai pas vu, je vous laisse. Je veux pas de transition, voilà. Alors tu parles de se suicider, je parle de douleur et de gloire. Allez, ah, hop. Mais quel beau film. Mais alors là, on avait quitté un peu Pedro Almodovar dans ses petites expérimentations ou ses petites. Ces petits trucs, voilà, les amants passagers. Julieta c'était quand même il revenait quand même vers le genre du mélodrame, mais ça restait encore peut-être moins plus mineur dans sa filmographie, et là il te revient d'un seul coup avec l'un de ses plus beaux films où il parle de lui, de ses obsessions, de ce pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il est maintenant aussi, parce que Pedro Almodovar, il a quand même 70 balais maintenant, et il commence à vieillir et tout ça. Et il parle de ça avec une telle pudeur, avec une telle passion. Moi, je trouve que c'est un film brûlant de désir, brûlant d'émotion. C'est vraiment le genre de film, enfin, je l'avais vu avec Amoré en soirée, et c'est vraiment le genre de film que je regardais en étant dans un petit nuage en fait. Où parfois il y a un peu des turbulences, il y a un peu de l'orage parce que c'est dramatique et il se passe quand même certaines choses pas très joyeuses dans ce film. Ouais. Mais je me sentais quand même bien. Puis Antonio Banderas, déconner, c'est lui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, non? Bah, j'ai l'impression. Bob l'éponge 2, film en pirate. Lui, tu vois, enfin vraiment. Bah, lui, en... bah oui, c'était une live action. Antonio Banderas, il joue le pirate. Ah oui, celui qui fait voilà, c'est au ça. Au début du générique. Si, si. Bah, j'avais raté ça. Moi, pour moi, ce sera toujours le papa dans Spy Kids. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et j'ai vu quelques scènes du film, parce que j'ai dû découper quelques scènes du film, et je le trouve super beau dedans. Il a un charisme ghost, fou, il est trop beau, et il a un regard, mais tu vois qu'on dirait qu'il a vécu 1000 vies, qu'il a tout vécu, qu'il est abîmé, mais en même temps qu'il est trop plein d'amour et tout. Et je dis ça sans avoir vu le film. Mais c'est totalement dire. Ça. Il y a la plus belle scène de baiser que j'ai vu au ciné cette année. Ça, c'est vrai. Et pourtant, on va en reparler. Mais quelle scène! Mais c'est vraiment une scène de retrouvailles qui. Oh, mais c'est tellement beau et C'est doux, c'est... Et le flashback de l'enfance, oui. Adolescence, je sais plus, est très très érotique aussi. Avec, voilà. Y a, c'est Penélope Cruz qui joue sa mère, ouais, quand il est enfant, ouais. Enfin, qui joue sa mère, il y a un petit, petit twist. Petit twist. Il y a un petit twist qui est quand même incroyable, et que, qui en fait... qui est résumé par le dernier plan du film. Ah, d'accord. Et waouh, mais vraiment, moi, il est là, c'est ça aussi. Mais c'est qu'il est très haut dans mon top. Il est là parce qu'il est très haut dans mon top aussi. Est-ce que tu l'avais mis dans le tien, Amaury ? Non, non, pas du tout. Moi, pour le coup, c'est idem que Victor avec Midnighties. Je suis complètement passé à côté, mais je suis pas très touché par le cinéma d'Almodovar en général, et comme c'est un film où Almodovar parle beaucoup de lui-même, forcément je me suis pas énormément retrouvé dans cette histoire, malgré certains plans effectivement assez chargés en émotions, comme le baiser ou comme ce flashback de l'enfance avec ce plombier tout nu. Et, et voilà, non, c'est pas un film qui me déplaît ni qui me passionne. Mais est-ce que c'est full autobiographique ou c'est juste inspiré de lui et des moments de sa vie? C'est très autobiographique. Je pense mais qu'il... c'est pas genre non. Le gars, c'est pas Pedro Almodovar, le personnage. C'est pas Pedro Almodovar, il non. Il y ressemble non, mais son physiquement. Nom, c'est pas Pedro Almodovar. Non. Antonio, non, c'est pas Antonio Almodovar. Non, c'est. En fait, il parle beaucoup, beaucoup de lui, mais il glisse quand même un peu de fiction, tu vois. C'est de la métaphore. C'est inspiré, ouais, d'accord. Le numéro 7, encore un film que je n'ai pas vu, The Beach Bum de Harmony Korine, que j'ai très envie de voir, qu'il faut que je regarde. Allez. On va juste peut-être dire un truc. Le seul truc qui pourrait résumer ce film. Snoop Dogg. Non. Zac Efron avec la meilleure coupe du monde. Alors, si vous avez envie de voir un film aussi fou que celui-ci, où Martin Lawrence parle pendant 5-10 minutes de l'amour des dauphins et de leur regard avant une chute absolument hilarante et inattendue, il faut regarder The Beach Bum. Ouais, je pense qu'on peut résumer ce film. C'est la scène qui m'a le plus fait rire de l'année avec ce gag des bruits des chattes dans Booksmart. Mais Beach Bum, je sais pas si c'est un très grand film, mais en tout cas, moi, c'est le film qui m'a fait le plus de bien cette année. C'est mon numéro 1. Et je trouve cette histoire philosophique, d'hédonisme, vraiment touchante, attachante. On est, voilà, tu parlais de petit nuage avec Almodovar. Ben moi, mon petit nuage, c'est The Beach Bum. C'est un nuage avec un doux parfum de weed. De weed. Mais oui, mais c'est, mais j'adore ça. J'adore ce voyage très simple qu'il fait, les gens qu'on voit dans ce film, cette bonhomie qu'a Harmony Korine et son personnage. Matthew McConaughey. Je trouve le message vraiment touchant. J'adore la photographie et la réalisation de ce film. C'est d'une beauté, toutes ces couleurs, ce fluo, ces paysages les miamiens. Les couchers de soleil et tout. Moi, j'adore cette impression. Ouais, voilà, c'est vraiment un film qui croque la vie à pleines dents et qui nous contamine par son bonheur, en fait, et sa simplicité et sa joie de vivre. Et eh ben, ça me donne encore plus envie de le voir. Le numéro 6, qui je pense doit faire chez Victor, qui soit au-dessus de Douleur et Gloire et de Une vie cachée, Captain Marvel. Ah, bah génial! Ah, bah génial! Merci qui? Merci Eve et Jade! Ah, bah parce c'est que merde. On est les seuls à l'avoir mis. Eve, elle l'a mis en deuxième dans son top. Non. Je l'ai mis un peu. Si, elle l'a mis. Mais elle a pas vu beaucoup de films, Eve, elle a un top 7. Donc voilà. Moi, je sais plus, je l'avais mis en combien, mais il était genre 4-5 aussi, peut-être. Et ouais, non, mais en vrai, bon, oui, Marvel, Studio, Disney, mes couilles. Voilà, tout ça, le capitalisme, c'est mercantile, c'est machin et tout, oui, soit, ça n'empêche que j'ai pris un pied de ouf devant ce film, j'ai pleuré, j'ai ri, je me sentais comme une putain de guerrière quand j'en suis sortie, et puis en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, je trouve que c'est un très bon film selon les standards de films Marvel, tu vois, je trouve qu'il y a tout ce truc de... qui est pas manichéen du tout de les méchants et les gentils, on sait pas vraiment qui c'est. Tu vois, il y a des comment on appelle ça en français, des shapeshifters, ils ont pas toujours les mêmes visages, tu vois, et du coup ça joue aussi un peu sur ça. Et puis il y a toute l'histoire de Carol, juste qui est un truc peut-être fait au forceps et qui enfonce des portes ouvertes, soit, mais qui fait du bien à voir. Et en fait, il y a une partie de j'aime ce film de tout mon cœur parce que purement pour le film, mais il y a aussi une partie de je me dis que le fait qu'il existe, C'est incroyable, et si ça peut montrer et faire évoluer les choses et ouvrir des portes, même si c'est dans 10-15 ans, et ben rien que pour ça, c'est pour ça que je l'ai mis. Je l'ai peut-être boosté un peu dans mon top. Et dans tous les cas, il est trop bien. Et si vous voulez avoir envie de vous sentir comme un putain de super-héros ou une putain de super-héroïne, regardez Captain Marvel. Victor, il faisait des ouin-ouin pendant que je parlais, mais c'est pas grave. Il a pleuré aussi pendant le film. Numéro 5, là, on va tous être d'accord, je pense. J'ai pleuré devant le film parce que c'était un peu nul. Mais, pas... mais il est trop bien, Captain Marvel. T'es passé à côté, tu vois. Numéro 5, Midsommar. Je pense qu'on va tous être d'accord autour de la table. Voilà, un film d'héroïne. En vrai, oui, de ouf. Voilà. De ouf. Un film qui vous donne des solutions concrètes à mettre fin à une relation toxique. Voilà. Parce que c'est clairement. C'est pas très légal. Parce que l'FBI va venir. Hein. Oui, non, mais oui, il faut pas prendre littéralement. Mais c'est clairement enfin, une métaphore de s'émanciper et de dégager tes relations qui te tirent vers le bas, de faire ton deuil, que ce soit littéralement faire un deuil d'une personne morte, ou faire un deuil d'une relation, d'une vie, d'un truc, d'un cadre de vie dans lequel tu pensais être. Dans lequel il fallait être et puis qui au final te convient peut-être pas, tu vois. Enfin, il parle de plein de choses, ce film. Ouais. Et après, oui, évidemment, il y a des scènes ultra gore. Donc, mais c'est ça que j'aime bien dans le film, qui est extrêmement audacieux, c'est le fait de lier un sujet qui est très intimiste et très terre à terre, les relations de couple, et le genre, en fait. Et il se sert du genre, de l'horreur et du gore pour métaphoriser tout ça et foutre le feu à toutes ces questions. Et le film a des propositions visuelles inouï, il te met dans des malaises de ouf. Il m'a fait rire, il m'a crispé. Will Poulter. Ah ouais, Will Poulter est génial. Et tous ces rituels super chelous, ces plans qui sont beaucoup trop longs et qui te mettent mal à l'aise. Juste le plan de fin, moi je l'ai revu. Et le plan de fin, il donne toujours autant de frissons. Ouais. Et je chiale je souris en même temps. Et je sais. Mais c'était pareil dans Hérédité. Hein. Moi, je me souviens que dans Hérédité aussi, c'est quelque chose de très intime. J'ai beaucoup plus aimé Midsommar qu'Hérédité. C'est le deuil. Enfin, c'est un truc qui parle de deuil, d'héritage, des démons, de famille, tout ça. De culpabilité ultra lourde qu'il y a aussi dans le film. Et il te fait aussi une fin où il y a une espèce de solution à tout ça, mais qui est horrible. Et qui te la rend euphorique avec une musique. Mais la fin, l'émancipation la violence. La fin, concrètement, enfin, genre, littéralement, c'est horrible ce qui se passe. Mais en vrai, je suis pas heureuse, mais genre, j'ai l'impression de. Parce que de ressentir les mêmes choses que le personnage, tu vois. Genre, c'est un soulagement de ouf, en fait, cette fin, je trouve. Et en même temps, c'est ultra glauque. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Et qu'il était très haut dans mon top. Numéro 4, là, je crois que je vais vous laisser parler. Once Upon a Time in Hollywood 2, notre très cher Quentin Tarantino, dont on a déjà parlé dans un épisode que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas déjà écouté. Allez-y. Bah, le plus beau film de Quentin Tarantino est l'un des plus beaux films de l'année. L'un des plus beaux films vus cette année, une balade nostalgique sans être passéiste et en mode gna gna, c'était mieux avant. Une balade onirique dans le Hollywood des années 69 fantasmé par Quentin Tarantino, où on suit juste pour la première fois chez Quentin Tarantino, juste des personnages et leur état d'âme en fait. Ça ne fait que parler. On navigue avec eux dans tous ces recoins d'Hollywood, soit dans un vieux ranch désaffecté. Enfin, un vieux plateau de tournage désaffecté ou dans des maisons, des villas de stars. Et c'est un film qui est pur film de fiction où on a des personnages imaginaires et des véritables personnages qui vont avoir une trajectoire fantasmée et loin de la réalité triste que l'on connaît. Et voilà, enfin, c'est vraiment un film qui suinte le glamour, enfin ça pue le glamour dans ce film, voilà, Brad Pitt, Margot Robbie, les pieds de Margot Robbie, Leonardo. Margaret Qualley, voilà, enfin c'est magnifique, on adore, moi j'ai vu le film 3 fois ouais, pareil. En salle et j'adore entrer dans ce monde, dans tous ces néons, ces salles de cinéma remplies de. Ce temps où il y avait encore plein de cinémas dans la rue et que les gens allaient au cinéma. Ah là là, le diable. Maintenant, les gens regardent Netflix sur leur téléphone. Voilà, Et voilà, c'était beau, c'est beau ce film. Mais c'est vrai qu'il y a des super beaux plans visuellement, mais moi j'ai un problème fondamental avec ce film. Mais visuellement, il y a des très belles choses, je suis d'accord. C'est d'une poésie folle, le droit, encore une fois, que Tarantino s'octroie de réécrire le réel avec le pouvoir insensé du cinéma. C'est d'une beauté folle de revoir Sharon Tate interprétée aussi bien, de voir effectivement ces personnages dont on a l'impression qu'ils ont existé, tellement ça paraît authentique et tellement leur écriture est subtile. Et ouais, c'est un magnifique film philosophique, contemplatif sur Hollywood, avec néanmoins un petit payoff à la fin, comme il y a toujours chez Tarantino. Et Évidemment. ouais, un des meilleurs films de l'année. J'irais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur Tarantino, parce que c'est Inglourious Basterd, le meilleur film de Bah oui, Tarantino. mais c'est l'un de ses plus Mais beaux, c'est un de j'ai ses dit, plus beaux, voilà. voilà, effectivement. Son plus beau avec Inglourious Basterds, voilà. D'accord, très bien. Je sais pas Bah. comment enchaîner sur ça. Non, mais oui, mais c'est vrai que visuellement, il y a des super beaux plans. On ne peut pas le nier. Top 3? Attention, le top 3, on entre Allez. dans le vif du sujet, j'ai envie de dire numéro 3, dont on a aussi déjà parlé. Bah, les 3, on en a déjà Les parlé de trois. façon dans des épisodes dédiés. Numéro 3, la favorite que j'aime de tout mon cœur, mais ça vous le saviez déjà. Et vous aussi, c'est pareil, je suppose. La Moi, favorite. oui, mais Amaury, je sais plus. Est-ce que Oui, t'avais j'aime aimé la bien ce favorite? film parce que j'adore le cinéma de Lanthimos. Lanthimos, oui. Après, ça reste moins bien C'est un peu en deçà des autres, je que ces trouve. films d'avant, oui. The Mais Lobster. après, Lobster. je chipote, hein. Vraiment, c'est un Oui, oui, super oui. film qui a plein de propositions, qui est d'une modernité Exceptionnel. folle. Les actrices sont hilarantes. Et Le dernier plan, encore une fois. ouais, il y a ce truc de lapin assez Ouais. audacieux. Ouais, non, si, c'est un bon souvenir. Moi, j'avais. Ouais, c'est très. Que C'est dire, oui. le meilleur film qui modernise la royauté avec Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ah ouais, Voilà. la comparaison est tout C'est à fait parce que juste. là aussi, on est dans quelque chose. Il pourrait te foutre une musique, enfin, comme dans Sofia Coppola. C'est tellement fait avec une modernité, le langage est cru. Les textes sur la technique, en fait, on emploie beaucoup du fisheye. Beaucoup de ralentis sur des canards et des gens qui se font jeter des tomates. Mais il aurait pu mettre des musiques, de la musique pop ou quoi, Ça aurait pas choqué, ça ouais, ça aurait aurait été pas sympa. choqué du tout. Il parle de tout ça avec une modernité, que ce soit même Bah, dans la la scène de la relation. danse où ils sont Ouais, en en breakdance. ballroom, quoi, Ouais. carrément. C'est trop bien cette Même scène. là, même de montrer de manière aussi crue une romance comme celle qu'il y a avec Olivia Colman et Emma Stone ou Rachel Weisz? Rachel Rachel Weisz. Weisz, ouais, enfin c'est quelque chose qu'on ne montre pas, surtout dans une production anglaise où c'est d'habitude c'est très Bah, moins qu'aux States. Non, mais tu sais, dans les trucs, enfin les trucs type De. royaume, Ouais, enfin de type historique. Downton Ouais, Abbey, tout j'avoue. ça, tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est très Mais un peu Lanthimos, il a mis Balayage, ses couilles sur quoi. la table. Voilà, c'est ça. Et là, non, le costume, allez. Elle a la goutte, enfin elle a la goutte, donc on va te mettre des steaks sur la jambe, et ensuite Putain, vous cette allez vous scène. rouler une. Ensuite vous allez vous rouler des pelles, et ensuite Emma Stone elle va tuer un Ce pigeon. tournage, mais il devait être excellent. Ouais. Ils ont dû s'éclater sur ce tournage. Bah voilà, numéro 3, la favorite. Tout a été dit. De toute façon, on a fait un épisode dessus. Donc vous pouvez aller réécouter. C'était aussi dans le top de Eve. Eve, un mot sur la favorite? Oui, c'était très bien. Voilà. Non, mais elle était là par télépathie, c'est ouf, Oui, non, mais j'entends si elle passe à bien. travers moi. Ouais. C'est comme, voilà, on est Comme liés. Rey et Kylo. Peut-être, exactement, on est liés. Numéro 2, et pas des moindres, Parasite. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo, Bong Joon-ho. Parasite, bah excellent. Que dire, film, j'ai envie de dire, c'est un peu un film parfait en vrai. À part un truc qui j'en ai déjà parlé dans l'épisode, mais qui m'a pas dérangé, mais qui, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, ok, ça fout là. Le truc du. Je me souviens plus exactement c'est quoi. Donc la preuve, c'est que c'est pas si important que ça, mais le truc du pote. Du mec principal Ah, mais ça, qui. Genre, c'est oui. une préparation paiement, mais il y a juste la préparation, tu vois. Genre, ils ont oublié, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais ouais, c'est. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sur les draps, comme dirait Merci, l'ami Benabar. Victor. Merci, Ben. Ben Solo, Ben Pour Solo. rebondir là-dessus. Non, Mais mais oui, film parfait en Parasite, vrai. c'est. Ouais, en fait, je crois qu'on tient là le chef-d'œuvre, c'est pas mon numéro 1, mais Moi non plus, quasiment. c'est mon numéro 2. Mais. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce film à l'international, Mais quoi. oui, mais oui, C'est là un il succès explose. critique, public, Ah, et. et. Aux États-Unis, là, il est en train d'exploser de ouf. Ouais, Il a été chez et. Jimmy Fallon, Mais oui, c'est Bong Joon-ho, incroyable. juste pour la promo C'est du trop film. bien, c'est Et. trop bien. Ouais, là, on tient vraiment un chef-d'œuvre, encore, la Ouais, deuxième bon fois que bah je là. prononce ce mot, mais qui va rentrer dans l'histoire du cinéma, je pense. Oui, bah je pense qu'il l'est déjà. Et c'est le grand moment de Bong Joon-ho aussi, c'est un Mais il peu est fou son ce Amélie film, il est Poulain à vraiment lui, trop bien. Il y a. c'est. Voilà, c'est. Non mais il y a tellement de thèmes abordés, autant dans le fond que dans la forme. Ouais. Il est inépuisable, ce film. Victor, un petit mot à dire sur Parasite avant qu'on passe au number one. C'est, je pense qu'on a là une, jamais une palme d'or ces derniers temps a suscité autant d'engouement. C'est clair. Moi, je pense, j'aurais adoré que notre numéro 1 aurait eu la palme d'or. Mais les deux ex aequo. Mais je trouve ça formidable en fait que ce film ait la palme d'or. Enfin, moi, enfin, fallait vraiment voir la sortie du film, ne serait-ce qu'à Lille, où il y avait des queues de fous juste pour aller voir ce film. La salle, quand j'ai vu le film, la salle était en transe tout le long. C'est vraiment une palme. Je pense que on n'a pas eu ça depuis, allez, Pulp Fiction, je pense. On n'a pas eu une palme d'or aussi populaire, aussi accessible pour tous, qui arrive aussi à être exigeante, qui n'oublie pas d'être exigeante. Exigeante, c'est, pardon. C'est Bong Joon-ho, quoi. C'est... Et... Il n'a pas, genre, entre guillemets, abaissé, tu vois, pour pouvoir totalement être populaire et vu partout et super accessible. Il est resté, il fait ce qu'il fait et ça... c'est juste que ça marche. Parce et que c'est un film génial. Qui est dans son temps aussi, parce qu'il traite de sujets Il traite de sujets absolument. Bah, les gilets jaunes ou quoi ? Attends. Voilà. et non, mais c'est ça, c'est que c'est un super drame. C'est un super drame sur la famille. Qui ressemble un peu à une affaire de famille qui était la précédente Palme d'Or de l'an dernier. Corrida, c'est... Ouais. C'est un excellent drame familial. C'est un super film d'Home Invasion. Aussi. Qui est, que je trouve hilarant. Enfin, faut vraiment voir le truc se mettre en place. On rigole beaucoup. Voilà, tu vois, même le portable le dit. Il rit aussi. Il dit oui, j'ai ri aussi. Et c'est un super Home Invasion. C'est... Ça passe par tous les genres, par l'horreur, il y a des plans qui foutent les jetons. Oh, putain, oui. Par la comédie, le drame, on passe par toutes les émotions. Il est souvent coutumier de ça, hein. Donc, dans Memories of Murder, les scènes d'interrogatoire sont quand même, sont quand même drôles, alors qu'il y a un contexte extrêmement glauque. Et le mec arrive à te rendre ça complètement burlesque, avec tous ces flics qui débarquent et qui jouent avec leur corps en donnant des tatanes et tout. Ouais. C'est super drôle à voir. Mais là, il te fait un... C'est des montagnes russes palmées en or et c'est un trop ascenseur bien. Émotionnel. Voilà. Et le numéro uno. Le numéro 1. Le numéro 1. Qui est le numéro 1 de mon cœur, de ma vie. Que dire, Portrait de la jeune fille en feu. Bravo. Bravo. Bravo. Je sais pas applaudir, mais bravo. Qui est le numéro 1 de Eve aussi, mon numéro 1. Je sais pas si c'est le numéro 1 de moi aussi. Amoury, non, toi c'est Zemmour, même non ton numéro 1. Mais oui, voilà. Mais c'est... c'est vraiment celui que tout le monde se partage. C'est je pense. Vraiment, c'est. Bah, on en a déjà parlé encore une fois dans un épisode dédié, parce que comment ne pas faire un épisode dédié à ce chef-d'œuvre, cette fois c'est moi qui le dis, qui est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Adèle Haenel, Noémie Merlan et la troisième, j'oublie toujours son nom. La petite qui joue dans l'heure de la sortie, mais qui est trop cool. Qui est excellente aussi, qui est géniale. Et il est phénoménal ce film. Visuellement, c'est super beau. Ça parle de peinture et d'art. Et dans les plans, dans la photo, on le retrouve. Des fois, ça ressemble à des peintures. C'est fou. On dirait de la peinture à l'huile, quoi. Et voilà, que dire de plus. Comme dirait Eve, c'est un intense moment d'émotion. Une chialade ultime, comme elle dirait. Mais oui, on a déjà parlé en long, en large et en travers dans l'épisode dédié. Est-ce que vous avez un truc à rajouter non, sur comment ce... passer cet après excellent tant... Comment passer après tant de beaux mots. On pourrait laisser Jade la fin. En tout même cas... si Amaury n'a pas de cœur, il va laisser... non, mais je vous en prie. Comment ça Non, j'ai absolument un cœur. C'est le film qui m'a le plus fait pleurer cette année. Les dernières minutes. Pour la petite anecdote... J'ai emmené Amaury voir le film et pendant tout le film, moi j'étais en amour et tout. Et j'avais très peur que toi tu te fasses chier, tu vois. J'étais genre, voilà, c'est tout ce qu'il aime pas dans le cinéma. Et à la fin, je me retourne et je vois moi qui fait. J'ai pleuré comme une madeleine. Oh, trop mignon. C'est vrai que sur le papier, ça me vendait pas du rêve. Pareil. Cette histoire de corset, de peinture. Enfin, on sait que les films sur la peinture en France. Les années 1770 en Bretagne, merci. Mais le film me donne tort sur tous les sujets et à toutes les minutes et à tous les plans. Et c'est une histoire de passion, c'est une histoire politique aussi qui résonne aujourd'hui, qui est géniale. C'est un discours sur l'art, c'est une mise en scène du rapport entre un artiste et ses objets de désir. Et ouais, le truc sujet-objet et tout. Mais tout est en dualité, en fait, tu Oui, vois, même voilà. même dans la forme, tu vois. Avec deux actrices extraordinaires et aussi un film sur le, surtout un film sur le regard, Oui, absolument clairement. exceptionnel, incarné, doux, sensible. C'est vraiment un très grand C'est film. magnifique, Céline Sciamma. C'est une queen, T'aurais comme on dû aller aux dit. C'est Oscars, le on sang pense à de toi. la veine. Bah voilà, ça c'était notre top global. Je pense que, en vrai, je pense que Parasite et Portrait de la jeune fille en feu, ça va être deux des films qui vont le Ouais. plus revenir dans les tops Ouais, non, universels, mais tu vois. bah, je C'est trouve vraiment, même mais vraiment, ils sont géniaux. notre top 4 hein, avec le Tarantino. Enfin, Oui. le Tarantino, Parasite et Portrait de la jeune fille en feu, c'est des hits qu'on retrouve dans beaucoup de tops de nos Oui, et je trouve journées. ça génial que ce soit qu'il soit aussi populaire entre Ouais. guillemets et que ce soit en même temps des films d'auteur quoi. Oui. C'est assez incroyable On et retrouve c'est aussi cool. beaucoup la lutte des classes Oui, dans ce ouais, comme top quoi l'art c'est et vraiment beaucoup un Cannes. reflet de une personne. Des mentions spéciales. Des Alors, petites de choses qu'on n'a pas mentionnées dans le top global mais qui étaient dans vos tops ou que vous aimez, que vous aimeriez partager. j'en ai quatre et je vais être très, très Vas-y. bref. D'abord, il y a Marriage Allons-y. Story de Noah Baumbach qui est sorti Oui, sur sortir très Netflix, récemment. qui est sorti très récemment, qui est pour moi l'un des plus beaux films sur la fin d'une relation. Noah Baumbach parle de ça. Alors, moi, j'ai alors. Enfin, pour ceux qui me connaissent, dont vous, vous savez que j'aime beaucoup Noah Baumbach. Enfin, j'aime mon film Greta français, Greta Gerwig. Gerwig, Frances Ha Forever. Oui. Mais ça a toujours été un cinéma qui peut laisser des gens sur le carreau, en fait, N'est-ce pas Moi, par du exemple. Bah, fait moi que aussi. ça parle de, ben voilà, ça parle de souvent d'intellectuels qui font que parler de l'art, tout ça. Et Qui font là, moins aussi. quoi? Qui font moins aussi beaucoup. Et Bah, là. c'est vrai. C'est Là très mélo, quoi. et là bah bon ça va peut-être pas te changer d'avis sur ma story mais c'est des c'est si alors Adam Driver joue Noah Baumbach grosso Adam modo c'est Driver, un s'il y a metteur en Adam scène Driver, on... ok. c'est Exceptionnel un cet metteur acteur. en scène de théâtre et Scarlett Johansson joue une actrice qui grosso modo elle joue Jennifer Jason Leigh parce que c'est un peu Son l'histoire de Noah ex, ouais. Baumbach voilà et sauf qu'en fait il va se défaire de toutes ces tout cet effet un peu coquet, tu sais, de cinéaste passionné de la nouvelle vague et tout, il va vraiment te filmer cette fin de divorce, enfin ce divorce qui se met en place, de façon très écorchée vif en fait. C'est vraiment des personnages qui voient, qui essayent de mettre fin à leur relation de manière amicale, sous une bonne entente, mais qui vont voir en fait, au fur et à mesure que le processus de divorce qui s'enclenche. Ils vont commencer à avoir d'énormes problèmes qui sont très pragmatiques en fait. Et ça te brise le cœur en fait de voir ça à l'écran. C'est mené par deux interprétations absolument dingues. Enfin, dans Driver, on t'aime. Bah oui. Scarlett Johansson, quand tu dis pas de conneries, on t'aime aussi. Hein. Et Peut-être. Moins convaincu. Non, mais si peu. voilà, c'est vraiment un très très beau film. Autre film Netflix. Que j'ai Ça m'étonne que tes mentions spéciales soient des films Netflix. mais j'en ai c'est Le fils Dolem spirituel de Tarantino qui encense Netflix, quelle Martin ironie. Scorsese avait raison! Mais il y a des bons films, je parle pas de Netflix, je parle des films Oui. Netflix. Surtout que Marriage Story, je l'ai vu au cinéma, donc voilà. Oui, je te taquinais. Dolemite is my name, qui est de loin le film le plus feel good que j'ai vu cette année et que je vous recommande. Oui, il faut que je le regarde. Qui est un super film sur la création au cinéma, où en gros on suit l'histoire vraie de Rudy Ray Moore, qui est une figure de la Blaxploitation, qui en fait veut devenir célèbre, veut faire rire les gens, veut parler à son public, au public de son quartier. Et au début, ça a commencé par il veut devenir une star de stand-up. Et au bout d'une demi-heure, on voit qu'il a du succès et tout. Il va au cinéma avec ses amis. Et ils vont voir un film de Billy Wilder, il me semble, avec des personnages qui sont tous blancs, Ouais. dans une salle remplie de blancs. Et ils se rendent compte qu'en fait, que cet humour un peu... bon, Billy Wilder, c'est génial, hein, c'est clairement pas pour dire que Billy Wilder, c'est nul, mais que c'est un humour qui ne leur parle pas, parce que Ouais. ça parle d'un élément, d'une classe qui ne leur plaît pas. Ouais, d'une culture juste qui n'est pas la Voilà, leur c'est en une fait. culture qui n'est pas la leur. Et t'as ce père Rudy Ray Moore, il se dit, ben vous savez quoi? Je vais faire un film qui va parler aux gens de mon quartier, des quartiers dans lesquels nous vivons. Et qu'est-ce que j'ai envie de voir? Des beaux mecs, des beaux mecs, des belles nanas, du kung-fu, des explosions. Bah, les meilleures choses en même temps, les meilleures choses de la vie. Et je vais faire un film comme ça. Et il va faire, en fait, tu vas suivre comment il va faire ce film, alors, qui est un peu une série Z, hein, mais qui va devenir une. Qui va devenir une production de. Une figure de la Blaxploitation. Bah, bah, et c'est un énorme film feel good, c'est un retour en grâce Eddie Murphy. J'ai écouté les musiques et la BO est vachement cool. Je vais faire très bref là, dans le même genre d'histoire, mais que de The Might Is My Name, mais avec les voitures, Ford, le Ford versus avec Ferrari, des bagnoles. Le Mans 66, c'est à peu près la même histoire, ouais. C'est une superbe histoire sur l'industrie. Parallèle avec l'industrie du cinéma, c'est incroyable. De James Mangold. Qui Logan, toujours dans nos cœurs. Et mon dernier, ce n'est pas un film Netflix. Oh, c'est, quelle surprise. C'est Le Traître de Marco Bellocchio. Oui. Qui est, je trouve, un une espèce de fresque complètement folle sur la Casa Nostra, la chute de la Casa Nostra, donc la mafia sicilienne en Italie. J'ai trouvé ça complètement dingue, complètement grotesque, complètement éprouvant à regarder. C'est passionnant de bout en bout. J'adore ce film. C'est injuste qu'il ait été boudé à Cannes. Et c'est un peu dans la. Et j'ai pas vu le film, mais c'est un peu dans la même veine que El Reino, non? Oui, ben qui oui. Qui est sorti cette année, je sais plus. El Reino est sorti cette année. On et ben pourrait voilà, le mettre. Mention spéciale El Reino, qui était excellent. C'est bon pour ta mention spéciale, c'est bon Victor. Pour ta mention spéciale. Parfait, merci voilà. beaucoup. Alors, j'étais oui, un petit peu lent, mais voilà. Ouais. Oh ben, mention honorable pour un autre film français qui me bouleverse et qui me passionne, c'est Grâce à Dieu de François Ozon sur le scandale de la pédophilie dans l'église catholique à Lyon. Comment? La pédocriminalité. Oui, la pédocriminalité à Lyon et ouais, voilà, c'est d'une construction narrative impeccable, c'est un film sur le combat en association et ouais, pareil, j'en garde un souvenir très ancré en moi, ça m'avait bouleversé aussi quand je l'ai vu au tout début de l'année et ça me rebouleverse dès que j'y repense. Ensuite, j'avais noté Us de Jordan Peele qui dans sa mise en scène m'impressionne tellement, dans son propos me sidère. Et aussi Le Dain de Quentin Dupieux. ça c'est la grosse surprise de l'année, je ouais, m'attendais pas vrai. À kiffer à ouais, ce point ce film. Pareil. Style de malade avec un Jean Dujardin qui fait flipper de ouf. Mais oui, avec et un regard, une Adèle Haenel exceptionnelle encore une fois. Et Adèle Haenel voilà, voilà, qui est d'un humour qui est partout. Voilà année. Et bon, c'est mes trois qui. Ça m'étonne que dans tes mentions spéciales, il y en ait pas une qui est dans les miennes, qui est John Donovan de Dolan. Bah, c'était pas mal, mais. Bah ouais, mais je sais pas, ça, je m'attendais à au moins un des deux Dolan non, dans, ton, bah, dans tes mentions, tu vois. C'est-à-dire bon, que okay. John Ovan, j'ai trouvé ça pas mal, et Mathias et Maxime m'ont incroyablement déçu. Donc, ouais, c'est pour ça que je l'ai toujours pas vu, ouais. Parce que beaucoup de personnes me disent que c'est un peu décevant. Donc il y aura pas de Dolan dans mon top cette année, contrairement à beaucoup d'années antérieures. Tous les ans depuis 2009. les mentions spéciales de Eve maintenant. Eve, dis-nous tes mentions spéciales. Oui, je suis là, mes mentions spéciales. Alors, wow, Eve... Bonjour Eve, c'est incroyable. Bonjour, comment ça va les garçons? Les mentions spéciales de Eve. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Eve, elle a pas vu beaucoup de films au cinéma parce qu'elle va pas beaucoup au cinéma, un peu comme moi au final. Elle a vu deux films Netflix. Le film sur Ted Bundy. Extrêmement méchant, affreusement diabolique et vil, le titre québécois est beaucoup plus simple à dire, de Joe Berlinger avec Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy. Elle dit qu'elle le met avec un petit bémol parce qu'elle a beaucoup apprécié ce biopic et que Zac Efron est exceptionnel, mais que le docu, également sur Netflix, a peut-être joué sur son appréciation du film, parce que du coup, comme elle était dans l'effervescence, bah ouais, mais parce que le film en soi. Apparemment, il est pas ouf, mais apparemment, Zac Efron est assez incroyable dedans. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit, mais j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup. Zac Efron, donc ça, c'est une mention spéciale de Eve. Un autre film Netflix est Klaus, qui est sorti très récemment, de Sergio Pablos. Et elle nous dit, qu'est-ce que tu nous dis, Eve? Outre le fait que le héros ressemble encore à Rémi de Ratatouille, comme dans tous les films d'animation maintenant, Klaus est quand même un film d'animation magnifique sur l'origine de la fête de Noël. Et en plus, c'est d'actualité, parce que... Bon, plus vraiment, parce qu'on est le 31 décembre. Mais voilà, et il me semble que c'est adapté d'une BD, mais je dis peut-être une grosse connerie, parce que ça me dit vraiment un truc. C'est le poisson d'American Dad. J'espère que c'est le même doubleur, enfin le même comédien de doublage, ça serait excellent. Et il me semble que c'est adapté d'une BD parce que ça me dit un truc. Et donc voilà, Klaus qui apparemment, enfin tout le monde en fait un peu l'éloge. Et une avant-dernière mention spéciale de Eve, Détective Pikachu. De Rob Letterman, qui était dans ses attentes quand on a fait l'épisode l'année dernière, dans ses attentes de 2019, et qui est un super bon moment. Elle nous dit qu'elle a adoré les couleurs, l'effet, l'humour, c'était trop chouette, et je suis d'accord, parce que oui, c'est pas, ça révolutionne pas le cinéma, mais c'est un super bon moment. Qu'on puisse dire, oui, mais c'est un bon moment. Justice Smith dedans, et ça excuse oui, tout. Oui, il est exceptionnel, j'arrête pas de dire ça, mais il est tout chou, et puis il est très bien, et c'est vrai que ce film est un très bon moment. Et sa dernière mention spéciale, qui est aussi dans les miennes, et ça va me faire une magnifique transition, et Victor, tu vas être ravi, parce que c'est Avengers Endgame. Bon, après, comme Eve le dit si bien, et je pense qu'on a à peu près vraiment sur beaucoup de points le même avis, il y a plusieurs choses qui sont un peu dérangeantes. Pour Eve, qui est un gros doigt d'honneur levé par les frères Russo envers Taika Waititi et Thor Ragnarok, mais moi je m'en fous parce que j'ai pas trop aimé Thor Ragnarok, mais c'est d'autres un peu de la main, Taika Waititi en d'autres même temps, les pavés dans les mares encore une fois. Mais oui, peut-être ça sera pas dans mes attentes 2020, hein. Mais franchement, elle nous dit juste pour la scène où Captain Marvel ne bouge pas quand Thanos lui met des patates, je pardonne tout, et je suis un peu d'accord, même si le fat-suit de Thor était un peu moyen. Ouais, mais Noob Master, c'était marrant quand même. Et le quoi ? Noob Master, c'était marrant. Le Noob Master, oui, bah oui, le Fortnite, évidemment. Et Fortnite, et les millennials, et les jeunes, voilà. Et vous avez vu ? Et oui, après, elle nous rappelle très à juste titre, comme pour Captain Marvel, certaines scènes ont fait réagir certaines personnes à l'ego fragile, et c'est peut-être une bonne chose. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que c'est juste, en vrai, je l'ai mis dans mon top parce que. Ah non, mais vous bon, verriez Victor, la tête de. Le facho, c'est bon. je rigole, Victor. Moi, je l'ai mis dans mon top aussi, et aussi, mais surtout, enfin, pas surtout, mais aussi parce qu'il y a un impact. Culturel et populaire assez énorme, qu'on aime ou pas le film, c'est quand même un truc qui a été construit sur 11 ans, tu vois, et c'est assez ouf pour le mentionner, et aussi parce que juste je suis une grosse geekos de Marvel et que j'ai pris mon pied de ouf devant ce film, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai râlé, j'ai eu des gens à côté de moi qui hurlaient limite, tu vois, enfin c'était une expérience assez incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure, une de mes mentions spéciales, c'est John Donovan, qui n'est pas ouf, on en a parlé dans un épisode dédié, c'est un gamin qui mais pleure qui quand même m'a fait ressentir des choses assez... Oui, je suis d'accord, c'est vraiment un gamin ouin-ouin. Ma vie, c'est de la merde, alors que j'ai un privilège de ouf. Mais qui, un peu comme Douleur et Gloire, est un peu inspiré de son auteur, tu vois. Et oui, il n'est pas... Mal, toi, bah, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas dire le contraire. À Almodovar, non. Bah, tu peux pas dire le contraire. C'est inspiré de l'auteur qui s'inspire de lui-même. Ouais, enfin, c'est plus intéressant chez oui, Almodovar que Jacob Tremblay. Oui, mais dans les faits, c'est la même chose. Et donc, que j'étais sortie quand même en pleurant de ce film, parce que la scène de la baignoire... J'étais témoin. On s'en souvient, le Dain aussi, également, comme Amaury, qui est dans une mention spéciale, qui... Je partais un peu en mode... J'avais pas aimé au poste, mais du pieux, je l'aime quand même, Monsieur Oiseau, voilà, je l'aime beaucoup. Et puis il y avait Adèle Haenel, et même si j'aime pas de ouf Jean Dujardin, j'y suis quand même allée, et au final, c'était une super bonne surprise, j'ai vraiment retrouvé le Dupieux que j'aimais bien de réalité et de rubber, et voilà. Et une mention spéciale que j'ai découvert très récemment et qui n'est pas du tout sorti en France, qui est un film totalement indé, qui s'appelle Giant Little Ones de Keith Berman, qui est un inconnu total, qui avait été scénariste à la télé avant, et c'est une histoire de passage à l'âge adulte de deux ados, de meilleurs potes aux États-Unis, et j'en dirai pas plus, mis à part le fait qu'il y a Kyle MacLachlan qui joue le papa, et c'est excellent, regardez-le, il est disponible très légalement absolument sur internet. Est-ce qu'on dirait pas 2-3 petits flops de l'année avant de passer à nos attentes pour quand même finir sur une note positive? Ne t'inquiète pas Victor, est-ce que tu as un flop? Je pense qu'on a le même chez toi, parce qu'est-ce qu'on vivrait pas dans une société, hein. C'est trop Black Mirror tout ça. Je pleure mon maquillage de clown dégouline. Bah le Joker. Voilà, et pourtant en vrai je l'attendais beaucoup parce que Joaquin Phoenix. Et la toute pre... le tout premier teaser, je me souviens, le tout premier ouais. teaser était très bien, et enfin très bien, me donnait envie, mais c'est surtout parce que je vois qu'il fait l'ex dedans et que je l'adore. Et quelle merde, je n'ai pas peur quel de film dire. De débile, quelle hein. grosse merde. C'est vraiment un film de débile. Quelle... Et en plus, on l'aime pas pour différentes raisons, je pense, nous trois. Toi, tu l'aimes pas parce que c'est... on peut plus rien dire, ça me fait chier, tu vois. Ouais. Moi, je l'aime pas parce que je trouve que c'est psychophobe as fuck. J'ai l'impression qu'aucune des personnes impliquées dans ce film n'a jamais vu un psy de sa vie. Ou n'a jamais... enfin, ne sait absolument pas ce que c'est aller voir un psy. Parce que, excusez-moi, une séance de psy, ça se passe pas comme ça, déjà. Et aussi parce que c'est juste... Ah, moi je le trouve pas beau visuellement, je trouve pas ça oufissime, mettre des musiques de mecs qui devraient être en prison, qui le sont peut-être d'ailleurs. Qui le sont, ouais. Qui le sont pour des très bonnes raisons, merci bien. À bientôt, hein. Pas grand chose à dire dessus, Amaury, t'as quelque chose à dire dessus ? J'aime pas non plus voilà. ce film. Non, je trouve vraiment la forme impressionnante, mais le fond est tellement... tellement limite que ça m'agace. Je suis vraiment sorti en colère de ce film, tellement il était... à la fois politisé et apolitisé, parce que j'ai vraiment l'impression exactement. D'un auteur qui ne s'intéresse qu'au cool et à l'esthétique que dégage le Joker et pas au fond éthique, moraux que ça soulève. Et du coup, je ne sais pas si ce type est d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais ce qui est sûr, c'est que ça génère une sorte de mouvement populiste ou de mode anarchique qui me semble un peu la réponse qu'il y a eu à ce film par le monde, les quoi, mouvements les gens, sociaux la masse, on va dire, sans jugement de valeur, je dis ça évidemment, mais c'est assez incroyable, j'ai envie de dire, enfin pas incroyable parce qu'on s'y attendait un peu, tu vois, mais c'est assez énorme la réponse qu'il y a eu. Donc voilà, pas trop de flop parce qu'on aime pas trop la négativité, même si Victor aime bien dire que Marvel c'est de la merde. Tes flops, ce serait pas Captain Marvel Endgame, non, par non, hasard. Non, enfin pas du tout, je vais juste en dire. Allez, je vais dire un film qui, là, c'est vraiment un des films qui, deux films qui m'ont vraiment mis en colère. Il y a eu Joker, mais il y a aussi Golden Glove de Fatih Akin, qui est une connerie immense. Enfin, c'est simple, c'est The House of Jack Bull de Lars von Trier, mais en... C'est cette année, ça ? De quoi ? L'an dernier. Ah, c'était l'an dernier ? Ouais. Oh, mais en version demeurée. Donc, c'est j'ai pas déjà le film d'origine, non, non, ça ? Non, pas du tout, non. Et j'ai trouvé ça grotesque, moche, débile. Vulgaire, c'était ridicule, il n'y avait aucun fond, j'ai l'impression qu'on chiait sur l'écran pendant 2 heures et voilà. Et ben c'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est pareil pour Joker. Tout ce que tu dis, c'est ça. Et l'autre qui est alors d'un auteur que j'aime beaucoup et qui vient aussi de la comédie comme Todd Phillips, qui est le dernier film d'Adam McKay qui est Vice, que je trouve d'une débilité. C'était cette année, j'ai l'impression. C'était que cette année. C'est un film c'est long, d'une débilité profonde. On dirait une youtuberie de McFly et Carlito, mais qui te parle de politique. YouTuberie, j'adore ce terme. Qui te parle de. Enfin, McFly et Carlito qui te parle politique avec des effets, des inscriptions de partout pour faire cool. Bah, c'est un format YouTube. C'est moche, c'est complètement con. Enfin, je trouve que le propos est d'une condescendance totale envers les mauvaises personnes, c'est-à-dire que. Les fans de Fast and Furious, non ? Bah voilà, il va préférer. Te traiter avec ambivalence une figure aussi détestable que Dick Cheney, et sans, c'est pas vraiment de la nuance ou quoi, c'est juste je suis un connard pendant tout le film, mais à la fin je vais te faire un discours face caméra en disant que au fond vous l'avez tous un peu voulu, et après ça va assez en fait si on en est là avec, si on était là avec Dick Cheney et si on en est là maintenant avec Donald Trump, c'est parce que en fait vous regardez tous Fast and Furious et Bob l'éponge, hein, donc vous êtes demeurés. Et yes, donc j'ai pas envie de voir un réalisateur de comédie. Alors Adam McKay, je l'adore pour ses comédies potaches. C'est marrant parce que ça et Joker, c'est deux réels de comédie à la base qui essaient de faire la un politique. Film un peu politique, ouais, et qui, enfin en même temps, après on peut partir du principe que tout est politique, mais bref, qui essaient de faire un truc un peu plus sérieux et un peu plus politisé en l'occurrence, et qui se plante apparemment complètement. Voilà. Donc je ne sais pas quelle conclusion tirer de ce mot, mais voilà, c'est dit. Amaury, un autre flop que Joker ou... Moi c'était le film de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs. Alors déjà je les avais détestés dans le premier, on se demandait pourquoi on restait avec eux pendant 2h30, et là je me suis demandé pourquoi j'étais allé les retrouver au cinéma. Donc sans doute parce qu'il y avait Marion Cotillard qui venait, que c'était l'avant-première, et du coup, oui, je me sentais forcé, voilà, pris en otage, de rester jusqu'à la fin de ce film épouvantable, de gens égoïstes et tout, qui savourent leurs huîtres à la, grande mode. Je m'en fous de ces personnages, ils sont stupides, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste des vacances entre potes, on tout. Mais oui, c'est de l'entre-soi, ils sont pires, ils sont encore plus détestables que dans le premier épisode, et ensuite, j'ai passé un très mauvais moment avec les deux adaptations de Stephen King, là, chapitre 2 et Doctor Sleep, ça a été vraiment un enfer de cinéma pour moi cette année. Vos attentes de l'année prochaine, on va finir sur une petite note positive, tout de même, parce qu'on est tous dans la positivité, je ne sais plus parler. J'ai plein d'attentes pour cette année, je vais en dire 3, 2, parce que j'ai plus trop le temps là. Vas-y Victor doit partir, vas-y, fais vite, comme dans Fast and Furious. C'est, on va dire, deux sorties du mois de janvier, Les filles du Dr Mars de Greta Gerwig, parce que ça va être trop bien, une adaptation littéraire, et ça va être l'occasion pour Greta Gerwig de faire une production ambitieuse, et ouf. Et aussi, alors c'est pas en janvier, mais c'est au mois de février, c'est son tour, c'est le retour du bon vieux Clint. Ce bon vieux Clint qui va nous faire une nouvelle leçon, une des nouvelles leçons patriarche et tout, de patriotisme, qui est le cas Richard Jewell, sur un mec qui a sauvé, les gens d'un attentat en chopant une bombe, mais qu'on va traiter en pâture parce que la presse et le FBI va être persuadés que c'est lui qui avait posé la bombe. Alors j'espère que ça va pas nous faire un 15-17 machin truc bidule qui était vraiment une purge horrible. Ouais. Mais oui, je savais absolument pas qu'il revenait avec John Hamm et Olivia Wilde. Jean Jambon, le premier ministre de la Belgique. Okay. C'est vrai, il s'appelle vraiment comme ça. ah bon, oui, attente de Bilbao. Bon, moi j'ai une attente, hein, vous me voyez venir, c'est le nouveau film d'Abdelatif Kechiche, Make to My Love Intermezzo, la suite du premier volet qui est sorti l'an dernier. J'aime bien comment l'éclecticité de ce podcast. Un film qui a fait scandale à Cannes, qui dure dans sa version cannoise, en tout cas il paraît qu'elle sera raccourcite, mais en tout cas, à Cannes, c'était 3h30, dont 3h qui se passaient dans une boîte de nuit, un film qui n'a plus de limites, qui est radical dans sa temporalité, et complètement voué à la transe et au désir, et qui se termine dans une séquence de cunnilingus dans des toilettes. Ça a l'air complètement dingue et radical. Tu connais déjà tout le film, en fait. Oui, on en a tellement parlé, ça a tellement fait scandale, mais je pense que c'est vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pareil, ça va rentrer dans l'histoire du cinéma parce que jamais personne n'a vécu une... Enfin, je pense, hein, je dis ça en ne l'ayant pas vu, mais ça me vend une expérience de cinéma assez dingue et assez éprouvante que j'ai hâte de subir d'adorer quand ça va sortir. Et puis c'est une deuxième partie, donc je suppose qu'après il y aura des projections des deux ensemble. Enfin, tu sais, c'est un truc, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi, voilà. mais de Kechiche. Moi, mes attentes 2020, c'est les mêmes que Eve, c'est-à-dire les 4 films de super-héros qui vont sortir, tous réalisés par des meufs. Et c'est assez cool. Donc, Wonder Woman 1984, dont l'abondance vient de sortir, vous pouvez aller la regarder dès l'instant. Black Widow, l'abondance. Alors, Black Widow, je m'en bats les reins, mais à un point phénoménal. Je l'aime bien, mais pas plus. Mais la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Ça joue peut-être qu'il y ait Rachel Weisz dedans et Florence Pugh, je sais pas comment on dit son nom, la meuf de Midsommar, qui est aussi dans Little Women d'ailleurs. Et l'abondance, me vend beaucoup de rêves et ça a l'air vachement cool. Eternals aussi, qui sera en fin d'année, si c'est pas décalé encore une fois. Encore un film Marvel. Et Birds of Prey, un film du DC Comics Universe avec Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Cassandra Cain et René Montoya. Je les ai toutes dit, il me semble. Et qui va être très cool malgré cette affiche très chum. Voilà. Et Eve aussi a mis dans ses attentes, qui est aussi une de mes attentes, mais je savais pas que ça sortait en 2020, Dune de Denis Villeneuve. Ah oui, absolument. J'avais totalement oublié que ça sortait en 2020. Ah oui, ma deuxième grosse attente. Hypé au plus haut point, parce que Dune, c'est ma vie. D'ailleurs, Victor me regarde avec un regard fuyant, disant non, on ne fera pas l'épisode de Dune qu'on doit faire depuis plus d'un an. Je le ferai avec elle, c'est pas grave, t'inquiète. Mais oui, j'ai extrêmement hâte. Denis Villeneuve qui a fait l'incroyable Blade Runner 2049, qui a excédé toutes mes attentes et qui est exceptionnel. C'est le voilà. meilleur anti-blockbuster de la Mais décennie. Tellement, et c'est la meilleure suite. 3 heures de contemplatif et de métaphysique. C'est de la folie. C'est exceptionnel. Et donc voilà, ce sont mes attentes de 2020, celle de Eve, celle d'Amaury, celle de Victor. Et très je éclectique. Vous remercie tout le monde, vous tous autour de la table. Eve, vous qui nous écoutez, je vous remercie pour cette année passée à nos côtés, pour cette année passée au cinéma, pas pour le meilleur parfois. Et on se dit bonne année à vous et à l'année prochaine, pour des salut, prochaines salut. Émissions. Et pour peut-être, j'espère, encore un an de folles émissions écoutées par 3 personnes dans toute la France métropolitaine. Et on vous fait énormément de bisous. On vous aime très fort. Eve, on t'envoie des bisous et des câlins par la pensée. Et bonne année à vous tous. Bisous. Au revoir. Don't even gotta try. Now you know. I'm like shot a naked feather over time. So you know. Heard you say I'm not the baddest, but you lied. It ain't my fault. My DMs.